بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، ما بعد. On se retrouve ce soir, Inch'Allah, avec une deuxième séance concernant le mois d'Allah al-Muharram. Allah Azza wa Jal a couvert, subhanahu wa ta'ala, de sa clémence ses serviteurs. Il fait partie de cette clémence et de cette grande miséricorde le fait d'avoir privilégié des temps où les hasanats se multiplient. Et subhanahu wa ta'ala a orienté les gens, a orienté les gens de la foi et a orienté les croyants à profiter de ces temps dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et il leur a interdit de se faire du tort à eux-mêmes avec les péchés et avec les désobéissances et autres. L'heureux, c'est celui qui se hâte à faire le bien et à ramasser les hasanats. Et le perdant, c'est celui qui a été négligent et court vers le mal et vers la débauche et vers le blâmable. Et fait partie de ces nobles temps et de ces nobles saisons qui sont sacrés et qui ont plein de mérites, les mois d'Allah sacrés. قال عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. La traduction approximative du sens du verset: le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois dans le livre d'Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de droite. Telle est la religion droite durant ces mois. Ne faites pas du tort à vous-même. Ça veut dire, ne commettez pas de péché, de désobéissance. Frère Allah, subhanahu wa ta'ala, et comme nous l'avons cité lors de l'assise précédente, ces 4 mois, 3 parmi eux se suivent: Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja et Al-Muharram. Dhul-Qi'da, c'est le 11e mois de l'année lunaire. Dhul-Hijja, c'est le 12e. Et le Muharram, c'est le 1er mois de l'année lunaire. Et il y a un 4e mois qui se trouve entre Jumada et Sha'ban. C'est le mois de Rajab. Qatada, rahimahullah, a dit: l'injustice durant les mois sacrés est plus grave et plus lourde en châtiment que les autres mois. Frère Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes au début de l'un de ces mois sacrés, qui est le mois d'Allah al-Muharram, qui est un noble mois, un mois honorable. Allah se l'est affilié et il est nommé le mois d'Allah al-Muharram. Cela prouve la grande honorabilité de ce mois, et il est légiféré de jeûner ce qu'on peut de ce mois et de faire toutes sortes de bonnes œuvres durant ce mois, car le messager d'Allah nous a annoncé dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, le meilleur jeûne après le jeûne de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. Et la meilleure prière après les prières obligatoires, c'est la prière nocturne. Et il y a des sagesses et des buts dans le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. Comme à la cité Ibn Rajab rahimahullah dans la Ta'if al-Ma'arif, il a dit: comme ce mois il a la spécificité d'être affilié à Allah, le jeûne est parmi les œuvres qui sont affiliées à Allah, qui appartiennent à Allah. Donc il convient durant ce mois de jeûner. Le jeûne appartient à Allah, comme dans le hadith Qudsi. Illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en fixe la récompense. Donc il dit rahimahullah, donc il convient que le jeûne soit une spécificité du mois d'Allah al-Muharram. Parce que le jeûne, il est pour Allah, c'est lui qui en fixe la récompense, et parce que ce mois, il est affilié à Allah subhanahu wa ta'ala, on l'appelle Shahrullah al-Muharram. Et si on rate le jeûne, hein, si on rate le fait de jeûner durant ce mois pour une raison ou une autre, il faut qu'on tient à jeûner Ashura, le dixième jour de ce mois. Car le jeûne de Ashura, comme nous l'a annoncé le messager alayhi salatu wassalam, expie les péchés de l'année précédente, comme cela est relaté dans le hadith de l'imam muslim. Qatada a dit que le messager d'Allah a dit: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. Donc Qatada, que Allah subhanahu wa ta'ala dit que le messager alayhi salatu wassalam dans ce hadith a dit: le jeûne de Ashura, Allah expie avec les péchés de l'année précédente. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait. Ibn Abbas a été questionné sur le jeûne de Ashura. Il a dit: je sais que le messager tenait au mérite du jeûne de Ashura plus que les autres jours, et les mérites du jeûne du mois de Ramadan plus que les autres mois. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Qu'on ne rate pas ses mérites et qu'on ne sort pas bredouille de ce noble mois d'Allah al-Muharram. Et on se doit aussi d'habituer nos enfants à le jeûner et à leur expliquer aussi les mérites de ce jeûne et les événements qui sont l'origine de ce jeûne pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Les nobles compagnons, radouanallah alayhim, quand le messager leur a ordonné le jeûne de Ashura, Rubay' bint Mu'awwid a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, on jeûnait Ashura et on faisait jeûner nos enfants et on leur fabriquait un jouet avec la pâte, et quand quelqu'un pleurait de faim, on lui donnait le jouet de pâte pour le distraire jusqu'à la rupture du jeûne. Ce sont nos modèles, nous devons les suivre. Regardez, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons jeûnaient et aussi ils habituaient les enfants à jeûner. Et pour les distraire, ils leur donnaient de la pâte de la farine. Au moment quand ils pleurent, ils veulent à manger, etc., ils le faisaient distraire avec la pâte de farine, à jouer avec. Le jeûne de Ashura est un jeûne ancien dans le temps. Il est rapporté chez le Bukhari et Muslim, Aïcha a dit: Quraysh jeûnait le jour de Ashura durant la période pré-islamique. Et quand le messager est arrivé à Médine, il l'a jeûné et ordonné de le jeûner. Et quand a été légiféré l'obligation du jeûne de Ramadan, le jeûne de Ashura a été délaissé. Celui qui veut le jeûner, le jeûne, et celui qui ne veut pas, ne le jeûne pas. Ce qui a été délaissé ici, comme le montre l'Hafidh ibn Hajar dans le Fath, ce qui a été délaissé, c'est l'obligation du jeûne de Ashura. Il n'est plus obligatoire, mais il est toujours fortement recommandé de le jeûner, comme l'a clarifié l'Hafidh rahimahullah dans le Fath. Et donc, ce qui a été abrogé et délaissé, c'est l'obligation. Et donc, le Mousnad de l'imam Ahmed, et dans Sahih Muslim, et chez d'autres, Abdullah ibn Abbas a dit: quand le messager d'Allah a jeûné Ashura et a ordonné de le jeûner, les compagnons ont dit: c'est un grand jour chez les juifs et les chrétiens. Et il a dit alayhi salatu wassalam: l'année prochaine, inshallah, nous jeûnerons le neuvième avec. Et le prophète alayhi salam est mort avant l'entrée de la nouvelle année. Dans une autre version, il a dit, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le neuvième jour, c'est-à-dire avec le dixième. Pourquoi? Pour se différencier du jeûne des juifs. Abdullah ibn Abbas, dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, a dit, le messager d'Allah a dit, jeûnez le jour de Ashura en se différenciant des juifs en jeûnant un jour avant ou un jour après. Et dans une autre version, en jeûnant un jour avant et un jour après. Dans cette version, un jour avant ou un jour après, c'est-à-dire soit le 9 et le 10, soit le 10 et le 11. Dans l'autre version, un jour avant et un jour après, ça veut dire le 9, le 10 et le 11. Et ce sont des versions qui sont authentiques. Al-Hakam ibn al-A'raj, un tabi'i, digne de confiance, comme l'a dit l'imam Ahmed et Abu Zur'a et d'autres, a dit, quand je suis arrivé à Abdullah ibn Abbas, alors qu'il était adossé à Zemzem, je lui dis, parle-moi du jeûne de Ashura. Il m'a dit, dès que tu vois la lune de Muharram, compte, et dès que tu arrives au neuvième jour de Muharram, jeûne. Regardez ce qu'il lui a dit, Abdullah ibn Abbas. Dès que tu arrives au neuvième jour de Muharram, jeûne. Je lui dis, Al-Hakam ibn al-A'raj a dit, je dis à Abdullah ibn Abbas, ainsi faisait le messager. Il a dit oui. Ici, il faut comprendre qu'il faut jeûner le 9 avant le 10. C'est ce qui ressort de la parole d'Abdullah ibn Abbas. Car Al-Hakam ibn al-A'raj savait qu'il faut jeûner le 10e. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas l'a orienté de le devancer avec le 9e jour. Et il n'a pas recité le 10e. Radiyallahu anhu arda. Et cela est clairement expliqué par Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Zad al-Ma'ad. Ibn al-Qayyim a dit, celui qui médite l'ensemble des versions du hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas n'aura aucune confusion et lui apparaîtra l'immensité de la science d'Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas n'a pas dit Al-Hakam de jeûner le 9e jour au remplacement du 10e jour. Abadan. Mais il a dit à celui, à Al-Hakam ibn al-A'raj, il lui a dit, quand il lui a posé la question, il ne lui a pas répété le 10e jour. Hein? Il a dit, parle-moi du jeûne de Ashura. Il lui a dit tout simplement, jeûne le 9e. Il ne lui a pas répété le 10e. Car Abdullah ibn Abbas savait que celui qui lui a posé la question, c'est que Ashura, c'est le 10e jour de Al-Muharram. Que tous les gens connaissent donc Ashura, dans la tête de tout le monde, hein, c'est le 10e jour du mois d'Allah Al-Muharram. Donc, quand Abdullah ibn Abbas a orienté le questionnaire, Abdullah ibn Abbas a orienté tout simplement le questionnaire de jeûner le 9e avant le 10e. Toujours dans les paroles de Ibn al-Qayyim, il dit, il a annoncé, Abdullah ibn Abbas, ça veut dire Abdullah ibn Abbas a annoncé que le messager le jeûnait. Cette parole, que le messager le jeûnait, soit que jeûner de la sorte, c'est le mieux, soit parce que le prophète l'a ordonné ainsi, et qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam, la résolution de l'accomplir l'année d'après, ainsi. Et cela est prouvé par le fait que c'est Abdullah ibn Abbas lui-même qui rapporte le hadith, jeûner un jour avant ou un jour après. Et qui a transmis aussi, hein, le hadith, jeûner un jour avant et un jour après. et qui a transmis aussi le hadith du messager où il a dit alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhu arda, a dit, le messager nous a ordonné de jeûner le jour de Ashura, dire le dixième jour de le mois de Muharram. Donc c'est lui qui a transmis tout cela. Donc il savait très bien, radiyallahu anhu arda, que il fallait se différencier des juifs et qu'il fallait jeûner avec le dixième jour, soit le onzième, soit le neuvième, soit les trois. Ibn al-Qayyim a dit, tous ces affaires d'Abdullah ibn Abbas témoignent de la véracité les uns aux autres. Ils se soutiennent. Et les hommes de science ont classé le jeûne du mois, ont fait un classement au jeûne de Ashura, de la sorte comme il est cité dans Zad al-Ma'ad par Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il a dit rahimahullah, le plus complet c'est de jeûner un jour avant et un jour après, c'est-à-dire de jeûner le 9, le 10 et le 11. Il dit la deuxième degré, c'est de jeûner le 9e et le 10e. Il est stipulé dans un grand, car c'est ce qui est stipulé dans un grand nombre de hadiths. Il dit, et en troisième position, le jeûne du 10e jour seul. Il dit, rahimallah, quant au fait de jeûner le 9e seul, c'est une diminution dans la compréhension des preuves qui découle du fait de n'avoir pas suivi les différentes voies de transmission des preuves et de ne pas avoir bien compris, suivi leurs expressions. Et ceci, je l'ai tout simplement le 9e du mois de Muharram, c'est loin de la signification de la langue arabe et de la législation. Et il dit, rahimahullah, et c'est Allah qui donne la réussite. Fin de citation, avec un peu d'adaptation. Dans le Mughni, il est rapporté que l'imam Ahmed a dit, si la personne a eu du confusion sur le début du mois lunaire, qu'il jeûne le 3 jours. Il agit ainsi pour avoir la certitude qu'il a bien jeûné, le 9, qu'il a bien jeûné le 10e jour. Donc il jeûne le 9e et le 10e et le 11e. Tout ceci par précaution, pour avoir la certitude d'avoir jeûné, de n'avoir pas raté Ashura. Et dans l'Iqa al-Mftouh du Cheikh al-Uthaymin rahmatullah alayhi, Cheikh al-Uthaymin relate 4 degrés du jeûne de Ashura. Le premier degré, jeûner le 9, le 10, le 11. Il dit, rahimahullah, ici le plus haut degré pour les hadiths rapportés dans ce sens. Le deuxième degré, jeûner le 9 et le 10 pour les hadiths rapportés dans ce sens. Et il dit, le troisième, c'est jeûner le 10 et le 11. Et il dit, le quatrième degré, jeûner le 10. Et il dit, rahimahullah, concernant le fait de jeûner le 10 seul, c'est-à-dire Ashura seul, certains savants disent que c'est permis, d'autres disent que c'est détestable. Ceux qui disent que c'est permis avancent le sens général de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Quand il lui a posé la question sur Ashura, il a dit, il expiait les péchés de l'année précédente et il n'a pas cité le 9e. Et ceux qui disent que c'est détestable de jeûner le Ashura tout seul, mettons en avant la parole du prophète alayhi salatu wassalam, différenciez-vous des juifs et jeûnez un jour avant ou un jour après, et dans une autre version, et un jour avant et un jour après. Donc dans une version, un jour avant ou un jour après. Dans l'autre, un jour avant et un jour après. Et tout ceci est rapporté par des voix authentiques. Et il dit, rahimahullah, et cela implique, parole de Cheikh Al-Uthaymeen, et cela implique qu'il est obligatoire de lui rajouter un jour pour se différencier du jeûne juif. Et la parole qu'il est détestable de le jeûner seul, le Ashura, est forte, il dit, rahimahullah. C'est pour ça, il dit, on voit que l'être doit sortir de cela en jeûnant un jour avant ou un jour après. Fin de citation des paroles de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Donc l'essentiel, il faut qu'on se rende compte de la saison qui s'offre à nous. Et que ce mois est un mois de bénédiction. Et que le meilleur jeûne après Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. Et que le jeûneur, son dua est exaucé par Allah azzawajal. Et que le jeûne, il est à Allah et c'est lui qui en fixe la récompense. Et aussi le jour de Ashura, expier les péchés de l'année précédente. Et il y a une question qui peut être posée. Pourquoi Arafat, le jeûne de Arafat, expie les péchés de 2 ans et Ashura expie seulement les péchés de l'année précédente, c'est-à-dire d'une seule année? Voici la réponse du Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il a dit dans son livre Bada'i al-Fawa'id, il y a 2 causes à cela. La première, le jour de Arafat se trouve dans un mois sacré qui est entre 2 mois sacrés. C'est-à-dire qui est dans Dhul Hijja. Et Dhul Hijja est entre Al-Muharram et Dhul Qi'da. La deuxième cause, le jeûne de Arafat est une spécificité de notre législation, de la législation musulmane, contrairement à Ashura. Et les bienfaits du jeûne de Arafat ont été multipliés grâce au mérite et à la place du messager alayhi salam auprès d'Allah azza wa jal. Fin de citation. Écoutez ce noble tabi'i. Comme cela est relaté dans Siyar Alam Nubala. Zuhri, qui est un noble tabi'i, était en voyage. Et pendant son voyage, il a jeûné Ashura, le jour de Ashura. On lui posa la question, pourquoi tu jeûnes alors que d'habitude, tu ne jeûnes pas Ramadan en voyage? Et il a dit, rahimahullah, Ramadan a d'autres jours égaux, mais Ashura, non. Regardez. Il a répondu conformément au verset. Qu'est-ce qu'il est dit dans le verset? Dans le verset, il est dit que celui qui rompt le jeûne en voyage ou malade devra jeûner un nombre de jours égal. Et il a dit, Ramadan, si je ne le jeûne pas pendant le voyage, c'est qu'il a d'autres jours égaux, je peux le rattraper. Mais Ashura, s'il passe, khlas, c'est un jour unique dans l'année. C'est pour ça, frère en Allah, Azza wa Jal, que c'est une occasion qu'on ne doit pas rater. Car on ne sait pas si on sera du nombre des vivants le Muharram prochain ou Ashura prochain. Est-ce qu'on sera parmi les vivants ou pas? Et parmi les leçons qu'ont déduit les hommes de science à retenir pour ce mois d'Allah al-Muharram ainsi que de Ashura, comme il est la grande partie de ces leçons est relatée dans, et presque toutes ces leçons sont relatées dans la Ta'if al-Ma'arif de Ibn Rajab rahimahullah. La première leçon, le mois d'Allah al-Muharram, c'est le premier mois de l'année lunaire. Et c'est le dernier des mois sacrés qui se suivent, c'est-à-dire de l'Qi'da, de l'Hijja, al-Muharram. Et puis, plus tard, ça sera Rajab, qui est entre Sha'ban et Jumada. La deuxième leçon parmi les mérites de ce mois, c'est que le prophète alayhi salam l'a attribué à Allah en le nommant le mois d'Allah sacré, Shahrullah al-Muharram. Et cela prouve l'honorabilité de ce grand mois, car Allah ne s'attribue que les particuliers parmi ses créatures. Comme Baytullah pour la Kaaba, Naqatullah, ainsi de suite. Hein? Certains savants ont dit que Shahrullah al-Muharram est le plus méritoire des mois sacrés. Al-Hassan al-Basri a dit, le meilleur mois sacré, c'est le mois d'Allah al-Muharram. Et il a dit, rahimahullah, Allah a commencé l'année par un mois sacré et il l'a clôturé avec un mois sacré. C'est-à-dire, Allah a commencé à débuter l'année lunaire avec al-Muharram et la fin de l'année lunaire, c'est de l'Hijja, c'est aussi un autre mois sacré. Et il y a, il dit, rahimahullah, il n'y a pas un mois plus important pour Allah après Ramadan que le mois d'Allah al-Muharram. Fin de citation de la Ta'if al-Ma'arif. Une quatrième leçon, certains savants ont dit, le meilleur jour de l'Muharram, c'est la première décane, la première dizaine. Abu Uthman Nahdi a dit, dans ce qui est rapporté dans la Ta'if al-Ma'arif de Ibn Rajab, que Salaf donnait une grande importance à trois décanes mensuelles. La dernière décane de Ramadan, et la première décane de Dhul Hijja, et la première décane de Mois d'Allah al-Muharram. La cinquième leçon à retenir, Allah a interdit durant le mois sacré de se faire des torts à soi-même par la désobéissance, les péchés et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. La gravité du péché durant les mois sacrés est très forte. Qatada a dit, l'injustice durant les mois sacrés est très grave. Alors que l'injustice est grave en temps normal. Mais Allah donne l'importance à ce qu'il veut. Fin de citation. La sixième leçon, il est préférable de jeûner beaucoup durant ce mois, car le messager a dit, le meilleur jeûne après Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. Et cela, bien sûr, c'est du surrogatoire absolu. Hein? Ça fait partie du domaine du jeûne surrogatoire absolu. Ibn Rajab a dit que le hadith du messager alayhi salam prouve clairement que le meilleur jeûne surrogatoire après le jeûne de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. La Ta'if al-Ma'arif. La septième leçon, Ashura, c'est le dixième jour du mois d'Allah al-Muharram. La grande partie des hommes de science, que ce soit les anciens et ceux qui les ont succédés et les contemporains, pour eux, la signification de Ashura est identique. Ça veut dire le dixième jour. Ça désigne le dixième jour du mois d'Allah al-Muharram. Comme cela a été dit par Nawawi rahimahullah dans l'interprétation qu'il a fait de Sahih al-Muslim et dans son majmou'. Parmi les leçons aussi, il est fortement recommandé de jeûner le jour de Ashura car il expie les péchés de l'année précédente pour les différents hadiths du messager alayhi salam. Et parmi les leçons à retenir, que le jeûne de Ashura expie les petits péchés et pas les grands. Nawawi dans Sharh Muslim a dit, c'est le jeûne du Ashura ne trouve pas de petits péchés à expier ou de grands péchés à alléger, il s'inscrit au hasanat et élève en degré. Et s'il rencontre que des grands péchés, il y a espoir qu'il les allège. Donc regardez ces mérites de ce noble jour. Hein? Et donc, et qu'on jeûne le 9 et le 10 avec, le minimum, et le meilleur, 9, 10, 11. Parmi les leçons à retenir, ici aussi, il faut habituer les enfants à le jeûner, ainsi que tous les membres de la famille. Il faut se réveiller pour prendre suhoor. Nous avons vu tout à l'heure le hadith d'Urubay' bint Mu'awid concernant le fait d'habituer les enfants au jeûne et de les faire patienter en leur donnant de la pâte avec laquelle ils jouent au moment où ils pleurent de faim. Et donc, il a 11e leçon, il est préférable de jeûner le 9e avant le 10e jour, avant Ashura, pour se différencier des juifs. Et celui, parmi les leçons aussi, celui qui a raté le 9e jour, qu'il jeûne après le 10e jour, le 11e. Et parmi les leçons aussi, comme il est cité dans la parole de l'imam Ahmed, il n'y a pas de mal à prendre de précautions pour ne pas rater le jeûne du 10e jour, en jeûnant le 9e, le 10e et le 11e. Si on a une confusion sur le début du mois lunaire. Parmi les leçons aussi, celui qui est en voyage, il n'y a aucun mal à ce qu'il jeûne Ashura si cela ne lui cause aucune gêne ni aucune difficulté. Car ce jeûne est un jeûne spécifique. Lors d'un jeûne spécifique, c'est-à-dire le 10e jour de Ashura, et si on le rate, on ne peut pas le rattraper. Ashura, là, c'est terminé, il est passé. Comme cela, il dit dans les fatawas d'Ibn Uthaymin, rahimahullah. La 15e leçon à retenir ici, le jour de Arafat est plus méritoire que le jour de Ashura. Car le jour de Arafat expie les péchés de 2 ans. Et on a dit que... Et les hommes de science ont avancé aussi pour les mérites de Arafat que... Lors du jour de Ashura, Allah a complété les bienfaits pour Banu Israël, pour Moussa et Banu Israël, en les sauvant de Pharaon. Et le jour de Arafat, Allah a parachevé, a complété les bienfaits pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en parachevant son message. Et le bienfait obtenu dans la religion est plus important que le bienfait obtenu par le fait d'être sauvé de l'ennemi. Et il y a la différence dans les mérites avec la différence du bienfait. Et il y a le bienfait de la religion. Et d'un côté, il y a le bienfait de la religion qui est plus méritoire. Et de l'autre côté, le bienfait d'avoir été sauvé de l'ennemi. Mais le bienfait de la religion est beaucoup plus important. D'où les hommes de science disent que le jour de Arafat est plus important, plus méritoire que Ashura. Parmi les leçons aussi, le jour de Ashura est un grand jour, un jour important et particulier parmi les jours d'Allah, comme il est dit dans le hadith, il est dit dans le verset aussi, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. La traduction approximative du sens du verset, il rappelle leur les jours d'Allah, c'est-à-dire les bienfaits du jour d'Allah et les mérites du jour d'Allah. Donc Ashura, c'est un jour où Allah a sauvé Moussa alayhi salatu salam et Banu Israël, et il a noyé Pharaon et son peuple et son armée. Et c'est pour ça que Moussa alayhi salatu salam l'a jeûné, par reconnaissance de cette grâce à Allah. Et le messager d'Allah l'a jeûné et il a recommandé de le jeûner, poursuivi de Moussa alayhi salatu salam, et cela, c'est accueillir les grâces d'Allah par la reconnaissance et par le remerciement à chaque date de celle-ci. Ici, en l'occurrence, Ashura. Donc, chaque fois qu'on arrive à Ashura, on va l'accueillir avec quoi? Avec un jeûne pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait triompher les croyants sur les mécréants. D'avoir fait triompher le monothéisme sur le polythéisme. D'avoir fait triompher les messagers d'Allah sur ses ennemis. La 17e leçon, Ashura nous rappelle le lien solide entre les soumis monothéistes, même si leurs périodes et leurs endroits sont très loin. Et il nous rappelle aussi l'alliance qui doit être pour les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et pour les monothéistes. Parmi les leçons aussi, le jour de Ashura est une journée de reconnaissance et de remerciement et d'imploration du triomphe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été dit à Moussa par son peuple, Inna la mudrakun, comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, nous allons être rattrapés, c'est-à-dire, nous allons être rattrapés par l'armée de Fir'aoun et Fir'aoun. La réponse de Moussa alayhi salatu salam est dans le verset qui suit, Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. La traduction approximative, non, car mon Seigneur est avec moi, il va m'orienter, il va me guider. Donc, donner l'importance à Ashura, c'est de le jeûner pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour l'écrasement qu'il a fait à ses ennemis et aux ennemis des croyants et des messagers, alayhi salatu wa salam. Et cela doit nous rappeler ce que fait subir Allah à ses ennemis et aux ennemis de ses messagers. Doit nous rappeler des châtiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait subir à ses ennemis et aux ennemis du messager alayhi salatu wassalam. Comme il doit nous rappeler aussi comment Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher les faibles croyants. Malheureusement, certains ont créé des innovations pour le jour de Ashura et durant ce mois d'Allah al-Muharram, comme Rawafid, qui ont fait de ce jour et de ce mois de Muharram un jour de lamentation et de tristesse, où ils se lamentent, où ils se flagellent pour la mort de l'Hussein. Et d'autres comme Nawasib ont fait de Ashura un jour de joie où ils se réjouissent de la mort des membres de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Alors que le croyant ne doit pas se réjouir des malheurs des autres, il ne doit pas se lamenter pour ce qu'il subit. Il doit accepter le destin d'Allah, bon et mauvais. Et ceux qui ont inventé ce qu'ils ont inventé pour le jour de Ashura, Shaitan s'y jouait d'eux et les a éloignés de la voie des croyants. Et ceci sera le sujet de notre prochaine assise, Inch'Allah, mercredi, où nous verrons ces innovations qui s'accomplissent à travers le monde musulman durant cette journée de Ashura spécifiquement et durant ce mois d'Allah al-Muharram. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوباء وأن يخرج إخواننا من بلاد الكفر سالمين غانمين وأن يحفظ ذرياتهم وأن يسهل هجرتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا